On attaque déjà cette deuxième capsule. Ouais. C'est fou comme ça passe. Ouais, tu te souviens, on était à la première, on a arrêté et on s'est retrouvé à la deuxième. Ouais, tu m'as resservi le même thé. Tu en voulais? Non, écoute, par contre, il a vite refroidi celui-là. Ah bon, tu trouves? Écoute, je te promets que pour la prochaine capsule, je t'en resservirai. Hein. On va faire ça. On va attaquer tout de suite un groupe un peu polémique, un groupe un peu tendance, un groupe qui divise. Oui, ça apparemment, je comprends pas pourquoi. Mais peut-être qu'avant, on va d'abord laisser place au générique. Ah oui, c'est vrai, le fameux générique. Générique. Oui. Clap le générique. J'attendais à ce que tu refasses un truc à la bouche. Ah yes. Bon, allez, appuie sur le bouton. Tu l'as enregistré mon truc de tout à l'heure ou faut que je le refasse? Et générique. Allez. On attaque donc, comme j'ai dit, dans cette deuxième capsule, par un groupe polémique, un groupe qui divise, un groupe qui, même au sein de la team étendue de Road to Hellfest, divise. Il y a une partie qui aime danser, s'amuser, et une partie qui déteste parce qu'il trouve que c'est de la merde. Je vois pas qui. Mais on verra bien, on verra bien à la fin de cette petite capsule ce qu'il en est. En tout cas, on va parler d'Electric Callboy. Oh, regarde, ça bug. Ah, tu vois, ça bug. Non, c'est ton doigt qui a pas voulu. Il veut pas y aller. Je fais du montage. Allez, genre. Allez, clap. Et on va parler tout de suite d'Electric Callboy. Oh, t'as mis celle-là. Pas mis la dernière. Et pourquoi j'ai pas mis la dernière? Parce qu'elle est nulle. Bah oui, mais bon, c'est la dernière. C'est vrai ce que tu dis. Donc Electric Callboy, qui est donc un groupe allemand de plein de styles différents, mais parce qu'en fait à la base c'est censé être un groupe de metalcore, mais ah bon, ils ont comme oui. Je voulais dire metal techno. Non, en fait ils ont dit à la base comment dire de plutôt de metalcore, mais ils sont devenus un peu électro core, on va dire, et maintenant ils sont carrément définis, si je dis pas de conneries, l'électronicore. Bah ça c'est ce que je viens de dire, électronicore. Non, alors voilà. Oui, exactement, bah du électronicore comme j'ai dit et comme t'as dit, parce que ça mélange du metalcore mélodique, du post-hardcore, jamais, du comedy rock, oui, de la dubstep si tu veux, de l'électro et de l'EDM. Et donc les membres sont nommés non, pas ça... mal d'humour quand même. Oui, bien sûr, et c'est peut-être la problème. Faut savoir qu'à la base donc Electric Callboy s'appelait Eskimo Callboy. Oh bah oui, tiens. Mais ils ont changé leur nom parce que ça posait problème. Ainsi que leur premier album ou le deuxième où ils ont ils ont changé les paroles de leur premier album qu'ils trouvaient problématiques à l'époque. Et moi, c'est un peu là où j'ai arrivé à avoir un problème avec ce groupe, c'est que justement, pour moi, je trouve que ce groupe est un peu opportuniste. Attention, je m'explique. Alors, on peut très bien dire que, effectivement, le groupe se trouve avec un nom qui est pas bon, qui est problématique, ils le changent, ils s'en rendent compte. Boy, là. Ouais. Tu t'es au courant des problèmes que ça avait fait ou non, tu t'en fous? Je sais juste pourquoi ils ont changé, je sais pas quelles ont été les polémiques, Ouais. Mais je sais qu'ils ont vraiment leurs deux, trois premiers albums, je ne sais plus. J'ai très bien préparé comme vous. Eskimo Callboy, qu'ils ont en fait changé les paroles qui étaient problématiques pour revenir à des trucs qu'ils trouvaient moins problématiques. Donc on peut se dire que le groupe, c'est bien, est capable d'évoluer et de changer. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Sauf que moi, quand je vois justement musicalement comment ils évoluent, c'est que justement, en fait, ils s'adaptent plus à la mode. Genre, on leur dit ça, c'est problématique, ils le chantent. Ça, c'est problématique, ils le chantent. C'est un peu raccourci quand même. C'est vrai, je suis d'accord, mais au début, ils étaient pas autant électronicore que ça. Ouais. Toi qui as écouté des albums, ils étaient un peu moins. Ouais. Il y avait un petit peu, mais ils ont pas franchi la ligne. En fait, ils ont changé le premier chanteur, Sushi, il s'est barré pour des raisons diverses et variées. Et il a reformé un groupe qui est un peu dans le même esprit, à savoir Ghost Kid. Et quand ils ont changé donc de chanteur, pendant la pandémie en 2020, ils se sont dit, oh là là, enfin, ils se sont dit où ils ont réfléchi à comment faire bouger les gens. Ils se sont dit, les gens ils sont enfermés, ils ont besoin de bouger. Viens avec Electric Callboy. Je crois même que c'est le nouveau chanteur qui a dit, viens, on fait vraiment un truc électronique à faux pour faire danser les gens. Parce que tu vois, toute la partie humour qu'il y a maintenant, je suis pas sûr qu'elle y était au début. C'est un truc qui s'est développé, je pense, avec ce côté électro-dance. Et donc, à partir du Covid et ce qu'a suivi derrière, ils ont commencé à sortir un titre, je crois même que c'était Hyper, mais je suis pas sûr, mais c'était dans ces moments-là. Un titre bien pour faire danser. Ils ont vu que ça a méga pris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont engouffrés. Ils ont pas réfléchi. Et ils ont fait que ça. Et moi, c'est là où j'ai un petit problème. J'ai plus l'impression de voir un groupe opportuniste qui s'adapte à ce que le monde a besoin ou veut entendre, plutôt qu'un groupe vraiment passionné de musique. C'est mon avis à moi. En plus, il y a quand même une dimension vachement délire, et cette dimension-là, on l'entend depuis assez longtemps quand même. Bah, je trouve pas dans les débuts, moi, je trouve pas dans les premiers. Hein. Peut-être moins. Je trouve pas. Écoute, on va voir si j'ai raison ou tort. Vas-y. Je vais piffer. Dans les premiers. J'ai cliqué directement dans les premiers pour voir ce que ça donne. Hop, on va voir. Mais alors déjà, regarde, c'est que les dernières qui sont mises en avant. Étonnamment, je ne sais pas. Qui suis-je pour juger? par exemple, si je prends le premier album, je piffe sur la troisième. On y est, je peux pas dire. Quelle année le troisième? Non, là c'est le premier. Mais non. Bah si. Ah, ça te fait mentir, je dirais. Ouais, ça me fait un petit peu. Un petit peu. Tu vois ? Un petit peu. En fait, t'as complètement tort depuis le début. Faudrait que tu te refasses toute la disco. J'ai pas complètement tort. Regarde bien. On va dire. Quand je t'ai dit que c'était un raccourci, je commence à me dire que j'avais peut-être raison. J'ai pas totalement tort dans le sens où les deux sont un peu plus équilibrés. Il y a moins le côté techno mis en avant. C'est vrai que maintenant, t'as l'impression que c'est un switch. Effectivement, il y a toujours eu l'influence comme ça, mais elle était moins mise en avant qu'elle n'est aujourd'hui. En fait, c'est plus la partie métal que tu vas rechercher aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu as pensé, toi qui es quand même le plus dansant d'entre nous, qui est le plus fêtard, le plus festif, je suis pas sûr que ça t'ait beaucoup tant déplu que ça. Ça m'a pas déplu, et tu vois, le truc que j'arrêtais pas de me dire, c'est, mais pourquoi est-il aussi méchant, tu vois? Parce que franchement, enfin, je comprends tout ce côté techno un peu rebutant, je peux comprendre que t'es pas l'oreille qui kiffe et tout machin, mais à côté, enfin, après tu peux pas l'enlever, ça fait partie du groupe, mais il y a que le côté, il y a que le côté festif, délire, amusant, fun qui ressort. Je sais pas de quoi tu parles. Franchement, passer un bon moment et s'amuser, ça me donne envie de gerber. Non, tu mens. Mais, je vais pas te mentir, c'est pas quelque chose que j'irai chercher pour écouter, tout simplement. Mais vraiment, si c'est pour partir, se taper un délire, vraiment, c'est juste pour aller chercher le fun, en fait, vraiment. C'est juste le côté délire, moi, que j'aime bien dans ce groupe-là. Non, mais je comprends. Et puis, de toute façon, après, voilà, tu vois bien, il y a le metalcore, donc ça fonctionne toujours, les gros riffs, les gros moments de batterie, là, qui tabassent et tout. Oui, mais si tu regardes bien aujourd'hui, tous ces gros moments de batterie, comme tu dis, ils sont un peu cachés derrière des moments de tech. J'allais dire autrement, moi, tu sais, c'est vraiment un switch, en fait. T'as l'impression que c'est fait électro, switch, metalcore, switch, électro. Après, des fois, il y a un petit, ça se mélange un peu, si tu veux, mais c'est vrai que j'ai l'impression souvent que c'est un peu ça, tu sais, c'est électro. Attends, on n'oublie pas qu'on fait quand même du métal, paf. Regarde, c'est un peu ce switch-là, des fois, qui me surprend, mais ça me dérange pas. Je peux pas mentir, j'ai montré les extraits, il y a toujours eu une petite patte électro. Donc je peux pas le nier. Juste, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils ont switché. Mais que le côté metalcore, en fait, ils vont garder le code, mais sur un son techno. Parce qu'en fait, maintenant, quand j'écoute un peu des trucs récents de Electric Callboy, en fait, j'entends même pas le côté metal dans le sens où je crois pas une seconde que la batterie elle soit réelle. Pour moi, c'est un truc électronique, elle est doublée. Il y a un truc, il y a beaucoup de batteurs qui ont la capacité de faire ça. Non, je sais, mais là, c'est ce que j'entends. La nuance, oui, vu qu'ils sont vachement dans l'électro, pourquoi se prendre la tête? Ils font ça. Je veux dire, quand t'entends quand même. Quand t'entends le magnifique, regarde. Mélange. ce mélange avec Baby Metal qui fait rêver et danser. Je veux dire, là, pour moi, en fait, ils sont juste dans le côté utiliser le côté on fait du métal, mais tu le retires, ça change bien musicalement. Ouais. Ça serait une bande préenregistrée. Après, ce qui est important, c'est comment tu vis le truc. Et tu peux que t'imaginer en train de. Enfin, moi, Je sais pas si tu connais mes talents de danseur, mec. Si, mais grave. Moi... Enfin, j'en ai entendu parler. Dans le quartier, tout le monde le dit. Tonight, c'est le danseur. Il passe, il est bourré. Oh. Mais ça, c'est le genre de musique où je te sors mes meilleures danses. Mais ça tombe bien que tu parles de ça parce que tu sais que c'est prévu, là. Bah, en fait, tu vois, c'est là où je voulais revenir un oui. peu sur votre slow de Hunter Shikari. Tout à fait. Qui était un moment inoubliable, inoubliable. Un immanquable que j'ai manqué. Aïe, aïe, aïe, aïe. Pourtant, c'était triste. Dans le titre. Bah oui, c'était. Eh ben, j'espère quand même que cette fois, parce que ça aussi, ça sera un immanquable, du coup. Main stage 2. En plus, j'ai l'impression qu'on vous le demande et c'est presque qu'on vous force, tu vois. Alors, je rappelle les causes. Ouais. C'est ma faute. Normalement, la dernière fois, j'aurais dû y aller. J'avais lancé les dés et j'avais dit que j'irais. Oui, oui, j'avais. Et j'ai créé moi-même ce problème. Bah oui, donc, forcément. J'assume les conséquences. Et du coup, de pour payer ton erreur, oui. Est-ce que tu devrais pas en plus essayer de faire une choré, un truc fun, toi. Toi, les quatre éléments d'RTH sur une choré bien travaillée, ça pourrait être quand même. Alors. Délire. Tout à l'heure, je parlais du fait de s'amuser, tout ça étant quelque chose que je hais au plus profond de mon être. Quel menteur. C'est impossible, ça. C'est quelque chose que je peux pas comprendre. Bah, tu m'as déjà vu, regarde. À chaque fois qu'on est en train de s'amuser, je suis le gars qui est là et qui vous regarde. Ouais, super. Est-ce que tu aimes bien regarder les autres s'amuser? Pas de soucis. Non, après, là, si c'est un truc que tu me dis, je prépare une choré pour nous quatre. Et que ça peut marcher sur la team étendue, parce que là, je vous rappelle que ça se passera en main stage 2. Et c'est assez haut, c'est en tête d'affiche. Ah bah donc oui, c'est le oui, soir. Oui, si on doit faire une choré, et que, bah, bien sûr, ça sera filmé parce qu'il y aura la bagarre qui sera là en train de se délecter de tout ça. J'ai aucun problème. Je le fais, mon pote. Ah, bah oui, non. Non, mais vas-y, prépare-la ta choré. Je serai là. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis très sérieux. Tu sais, moi, j'ai pas peur d'aller au bout des choses. C'est pas parce que je déteste ça que j'irai pas, Moi, ça me rappelle, tu vois, je viens de me dire un truc. J'ai combien de fois tu t'as dit des trucs? Combien de fois tu t'en es voulu après? Bah, non, parce que par exemple, tu vois, regarde, le meilleur exemple, c'est comme tu l'as dit, c'est Hunter Shikari. On avait dit ça serait un immanquable. J'ai dit, viens, Bob, on va danser un slow là-bas. Pas travailler votre slow? Bah, non. On est arrivé à froid. Hein. Et on s'est dit, on le fait. Et moi, quand je dis je le fais à fond. Perdu pour perdu, voilà. Ouais. En fait, c'est. En fait, si, ce qui va se transformer en beau moment, c'est le fait d'être tous ensemble et de déconner ouais, là-dessus. Ouais, ouais, ouais, mais ça va pas changer ouais, forcément mon avis. C'est juste que c'est de la musique pour faire la fête et que, bah, moi, je suis pas un gros fêtard. C'est toi le gros fêtard de la bande. Hein. C'est toi le gars qui va danser. Je tiens à le rappeler aux gens. Ah ben non, les gens ne le savent pas. Ouais, enfin, attention, hein, en juin 2025, je suis à la tisane. J'ai suivi le mouvement. Non, mais les gens ne sont peut-être pas au courant, mais on avait fait un appel vidéo. Est-ce qu'on l'avait dit dans le podcast? Je crois pas, mais on a fait un appel vidéo avec toi avant Noël où, yes. Où tu as changé 3-4 fois de perruque. Ah de... ouais, c'était trop drôle ce donc moment-là. Ah bah oui, bah c'est parce que j'étais malade. Non, pas toi, pas encore. C'est pas moi qui étais malade. C'était ta encore. Famille. Ok, ouais, ouais, c'était ma famille. Du coup, on m'a dit non, reste chez toi. Exactement. Sachant que c'est ce jour-là que je crois que j'ai dit un bâtard envers toi qui était un des plus sincères, c'est quand t'as dit et encore, Bob est parti, vous auriez pas d'enfant, je vous l'aurais pas dit. Je suis bâtard, vraiment bâtard. Mais quoi qu'il en soit, toi, t'aimes danser. D'ailleurs, normalement, il est censé amener des perruques pour en avoir une par jour au Hellfest. Voilà. Mais tu vois le délire perruque, ça c'est pas ma cam, c'est pas du tout mon délire. Mais toi tu délires là-dessus. Donc c'est normal qu'Electric Code Boy ça te fasse délirer. Mais ça permet de rentrer dans un rôle direct, c'est plus facile, Je suis complètement d'accord. Et sache que Kamal adore aussi. Donc tu vas aller danser avec Kamal. Oh, excellent tous les deux. Mais avec des perruques. Moi je te me défie, prépare la choré, je la fais. Ouais, écoute, on va y réfléchir. En tout cas, donc pour toi là, Electric Code Boy, ce sera un immanquable, t'as un immanquable, hein. Un immanquable, très bien, parce que pourquoi ne pas aller faire la fête? Ah, c'est vrai que, on peut que rigoler devant ça. Après, aujourd'hui, avec tu dis. Aujourd'hui, tout tu seul, dis. Tout seul, Ah, bah non. Je pense que si tu viens vraiment tout seul pour faire la fête devant Electric Callboy, après, tu rentres et tu te tires une balle. Je vois pas d'autre échappatoire, moi. Non, ou alors, faut que ça matche avec tous les gens qui sont à côté et que ça devienne. Oui, mais toi, voilà, toi, tu pourrais faire ça. Toi, tu pourrais faire ça. Ça pourrait. Moi, je dans un bon mood. Avec un pichet que tu partages, toi, t'es capable de faire ça. Oui. Moi, j'en suis incapable. Moi, je pense que je viens pour m'amuser, je suis tout seul, je pense que j'ai les bras serrés, je fais, ouais. Après, ça se pourrait. Si je vois qu'autour, ça match pas, bon, je pourrais me sentir seul quand même. En tout cas, Electric Callboy vient tout juste de sortir une nouvelle chanson. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous le faire écouter parce que, c'est vrai que c'est pas la mieux. Bah, je trouve qu'elle est encore pire. En fait, au début, regarde, attends, parce que là, vraiment, on est sur. Là tu dis hey, on fait du metalcore en fait. Ouais, voilà. Et là ils m'ont perdu sur le pré-refrain. Ça commence comme ça. Non, j'ai avancé un petit peu. Regarde. Tu vois le switch? Ouais. Non, ouais, non, mais là, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Ça ressemble vraiment à plus à. Tu sais, les deux mecs qui dansaient là. Ah oui. J'ai pas du tout. J'avais pas. Le titititit, j'y étais pas. En tout cas, ils viennent pour la troisième fois au Hellfest après 2018 et 2023. Ouais. Et ben normalement, on sera tous devant et on verra. on espère passer un bon moment. Eh ben, c'est sûr. Merci pour cette petite capsule, Tonaï. De rien, ça fait plaisir. Allez, à la prochaine. Tchou.